Bonjour Tiffen, aujourd'hui dans la compagnie, c'est le dernier moment de notre semaine consacrée à l'écrivain Pierre Loti. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Né à Rochefort-sur-Mer en 1850 et mort à Hendaye en 1923, Pierre Loti a passé l'essentiel de sa vie en voyage, soit 42 années de mer, à la recherche d'un ailleurs qu'il a finalement mis en bouteille et reconstitué dans sa maison, laquelle compte une mosquée, un salon turc et même durant un moment une pagode japonaise, aujourd'hui malheureusement disparue. Ce va-et-vient entre ici et là-bas, toujours teinté par la nostalgie de l'enfance charentaise, nous l'avons raconté lundi avec Alain Quai-Lavilléger, auteur d'une biographie de Loti aux éditions Calman Lévy. Mardi, c'est avec Bruno Versier que nous avons fait un parcours dans l'œuvre. Nous avons évoqué ses cycles marins, mais également son livre le plus autobiographique et que Bruno Versier tient pour son chef-d'œuvre, Le roman d'un enfant. Enfin, hier, Jean-Claude Perrier nous a parlé de ses récits de voyage et de ses reportages qu'il a édités aux éditions Artaud. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler du rapport de Loti à l'Orient, et en particulier à travers son roman Les Désenchantés, nous sommes en compagnie de Sophie Bache, universitaire et enseignante à Sorbonne Université, qui a édité ce livre, Les Désenchantés, dans la collection Folio des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres. Cette fois pourtant, je ne pars que pour un mois et je ne vais pas plus loin que Constantinople, mais le voyage sera sombre. Il faut bien qu'il se soit joué là-bas un acte inoubliable de cette féerie noire qui a été ma vie, pour que je m'inquiète ainsi de la pensée d'y retourner. Pour que tout ce qui en vient, un mot tartare qui me repasse en tête, une arme d'Orient, une étoffe turque, un parfum, aussitôt me plonge dans une rêverie d'exilé où réapparaît Stamboul. Et ce n'est pas par simple fantaisie d'art non plus qu'ici mon appartement est pareil à celui de quelque émir d'autrefois, ressemble à une demeure orientale qui, par sortilège, se serait incrustée au milieu de ma chère maison héréditaire, avec ses arceaux dentelés, ses broderies d'or archaïques et ses chaux blanches. Un charme dont je ne me déprendrai jamais m'a été jeté par l'islam, au temps où j'habitais la rive du Bosphore, et je subis de mille manières ce charme-là, même dans les choses, dans les dessins, dans les couleurs, jusque dans ces vieilles fleurs de rêve qui sont ici naïvement peintes sur les faïences de mes murs. Et surtout, il m'attire, ce charme triste, il m'attire vers là-bas où je serai demain. On commence cette émission avec un extrait de « Fantôme d'Orient » de Pierre Loti, lu par Louis Arbessier. Bonjour Sophie Bache. Bonjour. Alors ce livre « Fantôme d'Orient » avait paru en 1892 avec « Les Désenchantés » qui était paru 14 ans plus tard, 1906, et « Asiyadé » qu'il avait publié 13 ans plus tôt. On a donc là les trois romans turcs de Pierre Loti. Trois romans, c'est beaucoup. Hein. C'est une inclination majeure, la Turquie, pour Pierre Loti. La Turquie est l'amour majeur de Pierre Loti, presque jusqu'au délire, puisqu'il publiera un pamphlet au moment de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle « Turquie agonisante », c'est un texte qu'on lui a beaucoup reproché, où il aborde notamment les massacres arméniens, le génocide arménien, qu'il ne traite pas de génocide, bien entendu, le terme n'existe pas encore, et c'est un dithyrambe à la gloire de la Turquie disparue, dont il ne supporte pas le démantèlement. Et la Turquie, c'est la Turquie est toujours présente. La Turquie est présente quand Pierre Loti va au Japon, par exemple, dans Madame Chrysanthème. Madame Chrysanthème, qu'il considère comme une poupée sans intérêt, ne l'émeut que lorsqu'elle lui rappelle son premier amour, Asiadé. Lorsque Madame Chrysanthème s'affole dans leur petite maison de Nagasaki d'entendre des souris et qu'elle s'exclame, il y a des souris en japonais, immédiatement, et ça c'est une sorte de prélude de la mémoire involontaire de Proust, l'esprit de Loti se rapporte à Asiadé, et les seuls moments où Madame Chrysanthème est humanisée, c'est lorsque Pierre Loti peut la rattacher à la figure d'Asiadé et à cette figure idéalisée de la Turque. Donc c'est une vision idéalisée aussi de la Turquie, même une vision biaisée finalement, qu'il conduit à défendre contre vents et marées, et parfois contre l'évidence en l'occurrence d'un génocide, ce pays-là. Biaisé, je ne sais pas. Pierre Loti écrit pendant une longue durée sur la Turquie, depuis 1879, et il écrit alors que la question d'Orient est une actualité qui occupe environ un quart de la page des principaux quotidiens de l'époque. Et cette question d'Orient, dont nous ne sommes toujours pas sortis d'ailleurs, c'est la fameuse question du démantèlement de l'Empire ottoman qui occupe les grandes puissances. Alors l'Orient, c'est un peu pour les Occidentaux le présent du passé, un espace immobile dans lequel Pierre Loti se retrouve. C'est un espace qui correspond très bien à sa mélancolie, au sentiment de la perte, au sentiment de la fuite. Et cette Turquie, il la connaît bien, sans qu'on puisse exactement mesurer jusqu'à quel point. Il prétend qu'il parle turc, il se déguise, c'est un de ses grands stratagèmes, il s'habille en turc. Loti n'est pas le premier, hein. Nerval, lui aussi, dans son voyage en Orient, dit qu'il s'est déguisé en marchand persan pour passer 3 semaines dans le bazar de Constantinople. Mais donc il y a une vision aussi politique, géopolitique, une bonne compréhension des enjeux de cette région, où c'est vraiment en écrivain et en rêveur qu'il... Les deux. Pierre Loti est un officier de marine, donc je dirais qu'il a nécessairement un rôle politique. Et en même temps, il a un regard distant, critique, permanent. Et il parvient, je crois, à maintenir un équilibre assez harmonieux entre ces deux positions. Il n'hésitera pas d'ailleurs à adopter des positions anticolonialistes lorsqu'il écrit « L'Inde sans les Anglais », lorsqu'il écrit sur les journées de guerre en Annam, sur l'Indochine. Pierre Loti va également écrire des pages extraordinairement sévères sur les exactions des Français en Indochine, qui lui vaudront d'être censurés dans le Figaro. Et je pense que là, il faut mesurer la position courageuse qui était la sienne. Donc c'est difficile de résumer finalement... Il est très difficile de résumer Pierre Loti, qui a été souvent réduit à une imagerie qu'il a lui-même favorisée par ses mises en scène, par les photos que tout le monde connaît, où il se déguise en personnage de bal masqué, en figure égyptienne, en orientale. Et il a évidemment prêté le flanc à ses caricatures, qui étaient peut-être aussi, de sa part, une manière un peu ironique de se considérer. Mmh. Alors, Les Désenchantés paraissent en 1906. Vous notez, Sophie Bache, que c'est aussi l'année de la parution d'un roman de mœurs d'Eugène Montfort, qui s'appelle La Turquie. La Turquie, c'était le surnom d'une prostituée parisienne. Et La Turque, oui. La Turque, ça en dit long sur la manière dont on se représentait ce pays et aussi les femmes de ce pays à l'époque, en France. Oui, ça c'est le fantasme oriental, évidemment, c'est le mirage du harem, évidemment, qui excite toutes les imaginations. Et Les Désenchantés est un roman qui m'a intéressé parce que, précisément, il prend à rebours les clichés, ce qui n'a pas toujours été vu. C'est le troisième roman de Loti qui se passe à Constantinople. D'abord Asiadé en 1879, ce roman que Roland Barthes tenait pour un chef-d'œuvre. Ensuite, en 1892, Fantôme d'Orient, qui est le retour sur la tombe d'Asiadé. Et enfin, troisième volet, au fond, un des derniers grands romans de Loti, Les Désenchantés en 1906. Alors comment ça s'inscrit dans un contexte peut-être plus large, dans la deuxième partie du 19e siècle et au début du 20e, d'un rapport des écrivains à l'Orient? Vous avez travaillé sur cette question concernant Lamartine et Théophile Gautier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, l'Orient, au fond, on peut dire que l'orientalisme au sens où on l'entend couramment, la passion pour l'Orient littéraire et artistique, elle débute véritablement avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Elle se poursuit avec la méditation du philosophe Volney, les ruines, la méditation sur les empires disparus, où on voit bien que l'Orient représente pour l'Occident le passé du présent, puisque Volney médite sur les ruines des grandes cités orientales en se demandant si ce n'est pas une leçon que nous autres devons tirer pour l'Occident. Et ensuite, avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui paraît en 1811, Chateaubriand inaugure la grande tradition du voyage, qui sera suivi par Lamartine, par Nerval, par Gautier. Alors, la différence avec Pierre Loti, c'est qu'il n'écrit pas, il écrit aussi des récits de voyage, mais il situe trois romans à Istanbul qu'on appelait d'abord Constantinople. Je pense que l'Orient à ce moment-là est plus un refuge que jamais. C'est une protestation face aux ravages de l'idéologie du progrès et de la révolution industrielle. Donc l'Orient, par tous les écrivains qu'on pourrait qualifier d'orientalistes, est toujours un Orient rêvé. Ces écrivains s'intéressent-ils précisément à l'Orient, ou est-ce qu'ils s'intéressent avant tout à leur propre vision et mettent l'Orient en miroir de qui ils sont? Ils mettent l'Orient en miroir de qui ils sont et ils s'y intéressent véritablement. Ces Orients sont extrêmement variés. Chateaubriand s'intéresse par-dessus tout aux ruines. Il a une vocation d'archéologue, il prétend avoir découvert les traces de la Sparte antique, ça n'est pas tout à fait vrai. Lamartine est, lui, l'auteur qui probablement s'est le plus intéressé à l'Orient politique. Et d'ailleurs, c'est à la suite du voyage en Orient que Lamartine sera élu à la Chambre des députés et commencera par un retentissant discours sur la question d'Orient, où il se dit favorable au démantèlement de l'Empire ottoman, et il reviendra par la suite complètement sur cette position en devenant un des plus grands défenseurs de l'intégrité de l'Empire ottoman. Gérard de Nerval, lui, est surtout passionné par l'Antiquité, c'est un voyageur extraordinairement érudit et qui cherche à vivre l'Orient de l'intérieur, en disant qu'il se déguise en persan pour se déguiser et pour passer trois semaines dans le bazar des marchands persans. Quant à Théophile Gautier, il voyage vraiment en voyageur romantique, avec les grands pots de couleurs locales, il voyage en critique d'art et en peintre. Donc on va s'intéresser à l'Orient de Pierre Loti. La Compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons de l'Orient de Pierre Loti avec vous, Sophie Bache, et en particulier de ce roman Les Désenchantés, dont il faut d'abord raconter un petit peu la genèse, parce que c'est une histoire assez incroyable finalement que cette genèse-là. Il y a plusieurs personnages impliqués, une journaliste française, Marie Léra, qui publiait sous le pseudonyme de Marc Ellis, et puis il y a aussi deux jeunes femmes turques qui ont vraiment existé, et ces trois femmes sont devenues des personnages du roman Les Désenchantés. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'abord ce que c'est que ce roman, de quoi il parle, de cette vie dans les harems turcs, et comment est-ce que ce sujet finalement est arrivé jusqu'à Pierre Loti? Alors Les Désenchantés a d'abord été célèbre parce que c'est l'histoire d'une supercherie sur laquelle je reviendrai. La journaliste Marie Léra, qui publie sous le nom de Marc Ellis, selon la légende, aurait essayé de duper Pierre Loti en se faisant passer pour une jeune femme de la bonne société turque, admiratrice de l'auteur d'Asiadé, et elle lui présentent deux jeunes amies qui sont deux jeunes femmes, elles aussi issues de la meilleure société turque. Fille de ministre. Fille de ministre, petite fille d'un Français qui vivait en Turquie, appartenant à la société lettrée, cosmopolite. Et parfaitement francophone. Parfaitement francophone. Et donc, selon la légende, Loti serait tombé amoureux d'une de ses femmes, Jenan. Alors Marie Lera prend soin de conserver le mystère en se présentant toujours à Pierre Loti lourdement voilée de noir. En fait, elle a la quarantaine bien avancée à cette époque-là, et elle tient surtout non seulement à conserver l'anonymat, mais ne pas se faire passer pour une femme de 20 ans. Donc cette supercherie, quel en est l'objet, quel en est le but ? Le but est de faire écrire à Pierre Loti un roman sur la condition de la femme turque cultivée, et de lui faire décrire, enfin de vouloir faire de lui l'avocat de la modernité et de l'émancipation des femmes turques. Ce qui est un paradoxe, évidemment, parce que Pierre Loti se prête à ce jeu à contre-cœur, et il le dit dans le roman, vous n'avez pas choisi le bon avocat, êtes-vous sûr que je suis la bonne personne pour parler de cela, puisque lui, au contraire, toute son œuvre a consisté à déplorer les ravages de la civilisation occidentale, et il n'a aucune envie de parler des femmes turques occidentalisées. Donc il se fait tout de même le porte-voix d'un discours féministe. Il accepte. Marie Lera est une féministe. Et donc il se fait le porte-voix de ce discours à travers son personnage de André Léry, qui est tout à fait un double de Pierre Loti, puisque c'est l'écrivain dans le roman. C'est le double de Pierre Loti, et mon hypothèse c'est que Pierre Loti n'a jamais été dupe, en fait, de cette supercherie, et que Marie Lera a été elle-même dupe de sa dupe, si j'ose dire. Pierre Loti est un écrivain immense. Il s'empare de cette supercherie et c'est lui qui va tirer les ficelles de ce jeu. Et donc il ne va pas faire un roman féministe, mais un roman sur ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'ère du vide. Est-ce que c'est... Oui, il fait un roman extrêmement ambigu. Je ne dis pas que ce n'est pas un roman féministe pour autant, par la place exceptionnelle qu'il accorde à la voix de ces trois femmes, mais c'est un roman où il parle surtout de lui, parce que sous le titre « Les Désenchantés », c'est en fait de lui, le désenchanté, qu'il est question. Nos amis nous ont annoncé que vous alliez écrire un livre en faveur de la musulmane du XXe siècle, et nous avons voulu vous en remercier. Comment cela s'appellera-t-il ? Mon Dieu, je n'y ai pas songé encore. C'est un projet si récent et pour lequel on m'a un peu forcé la main, je l'avoue. Nous allons mettre le titre au concours, si vous voulez bien. Voyons. Moi, je proposerai « Les Désenchantés ». « Les désenchantés ?» répéta Jenan avec lenteur. « On est désenchantés de la vie quand on a vécu, mais nous, au contraire, qui ne demanderions qu'à vivre, ce n'est pas désenchantés que nous sommes. C'est annihilés, séquestrés, étouffés. » « Eh bien voilà, je l'ai trouvé, le titre !» s'écria la petite Melek, qui n'était pas du tout sérieuse aujourd'hui. « Que diriez-vous de « les étouffés » Et puis, ça peindrait si bien notre état d'âme sous les voiles épais que nous mettons pour vous recevoir, Monsieur Léry, car vous n'imaginez pas ce que c'est pénible de respirer là-dessous. « Voyons, Melek, » reprocha doucement Jenan, « ne fais pas des potins comme une petite perrotte. » « Les désenchantés, oui. La consonance serait jolie, mais le sens un peu à côté. » Voici comment je l'entendais. Rappelez-vous les belles légendes du vieux temps, la valkyrie qui dormait dans son bourg souterrain, la princesse au bois dormant qui dormait dans son château au milieu de la forêt. Mais hélas, on brisa l'enchantement et elles s'éveillèrent. Eh bien, vous, les musulmanes, vous dormiez depuis des siècles d'un si tranquille sommeil, gardé par les traditions et les dogmes, mais soudain le mauvais enchanteur qui est le souffle d'Occident a passé sur vous et rompu le charme. Et tout en même temps, vous vous éveillez. Vous vous éveillez au mal de vivre, à la souffrance de savoir. Extrait. extrait des Désenchantés, lu par Pierre-Marie Baudouin. C'est le passage où Djenan, Melek et Zeneb, les trois héroïnes, discutent du titre du livre à venir avec André Léry, le romancier personnage du roman, puisque on l'a dit, c'est le double de Pierre Loti. Il y a beaucoup de choses à dire, d'abord sur ce titre, Les Désenchantés, et puis sur le fait qu'à l'intérieur du roman, on discute du titre livre. Alors d'abord sur le titre lui-même, Les Désenchantés, est-ce que c'est pas déjà tout un roman et tout le roman qui se trouve incarné dans ce mot-là, le choix de ce mot-là? Oui, ce mot-là, il est fondamental, et cette expression utilisée par Loti d'ailleurs pour dire que ce titre serait un peu à côté, je pense indique tout le décalage du livre. Le désenchantement, c'est un des très grands thèmes romantiques. C'est un des grands sujets romantiques, et ce sujet, il est mis en abîme par Loti dans Les Désenchantés, puisque à plusieurs reprises dans le roman, il est fait allusion à la période héroïque du romantisme, à 1830. Et cette référence, elle est là, constante. Donc Les Désenchantés est un roman où Loti montre un recul considérable par rapport à son objet, mais également par rapport à lui-même. Les Désenchantés, ces jeunes femmes, si on prend l'histoire à la lettre, c'est un sentiment qu'elles ne peuvent pas connaître. C'est une notion européenne, c'est une notion pas orientale. C'est une notion absolument européenne. C'est ce thème romantique du désenchantement est lié aux enjeux de la modernité européenne. Et pourquoi elles ne pourraient pas être désenchantées, ces femmes-là ? Elles n'ont pas vécu. Alors d'abord, pour être désenchantée, il faut avoir vécu, il faut avoir éprouvé la vanité du monde, il faut avoir éprouvé la vanité de l'idéologie du progrès. Elles sont trop jeunes aussi, peut-être, pour être désenchantées. Elles sont trop jeunes. Pierre Loti leur attribue aussi une série de lectures. Elles auraient lu Kant et Schopenhauer qui leur auraient tourné la tête. Certes, elles ont eu une institutrice française, Mademoiselle Bonneau, dont je me demande si ce n'est pas un clin d'œil de Loti à Bordeaux, qui avait traduit Schopenhauer, des extraits de Schopenhauer, philosophe qui a eu une influence beaucoup plus grande en France qu'en Allemagne. Et il n'est pas du tout impossible que ces jeunes femmes lettrées aient lu des extraits de Schopenhauer dans la traduction de Bordeaux. Je me demande aussi si, de la part de Loti, Les Désenchantés, outre le fait que le titre soit un clin d'œil au désenchantement romantique, si ce n'est pas aussi une allusion au roman de Maurice Barrès, Les Déracinés, qui avait eu un succès considérable et qui montre, qui raconte l'histoire de jeunes gens de province, de Lorraine, la terre natale de Barrès, venus à Paris et ayant perdu leur enracinement lorrain. Ici, le déracinement des désenchantés n'est pas un déracinement géographique, mais c'est un déracinement culturel qui les place dans un entre-deux. Donc Loti ne parle pas de ces jeunes femmes, pas en tout cas d'abord de ces jeunes femmes, mais de lui-même ou du mal du siècle qui serait le désenchantement. Il parle du mal du siècle, il parle de lui-même, il parle beaucoup de lui-même dans ce roman et de manière extrêmement cruelle. Il se met en scène et les trois désenchantés observent que c'est un homme qui n'a pas d'âge ou qui a l'air par moments beaucoup plus vieux que ce qu'elles imaginaient. Il se décrit sans complaisance, il décrit les premiers fils blancs dans sa chevelure. Or, on sait que Loti était absolument obsédé par son apparence. C'est ce que décrivent aussi les voyageurs qui viennent le rencontrer à Constantinople, à bord de du bateau, du stationnaire Le Vautour, qu'il occupe à Constantinople, et qui décrivent le Loti de ces années, Gabriel de la Rochefoucauld. Pierre Loti le voit et décrivent ce Loti fardé, sanglé dans des costumes élégants et manifestement obsédé par le passage du temps. Et alors, le fait qu'on discute du titre à l'intérieur même du roman, et là on passe avec vous, Sophie Bache, du côté purement littéraire de ce texte, qui est au fond ce qui vous intéresse le plus, ce que vous avez envie de pointer le plus, il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans alors ce qu'on pourrait appeler une métalepse. Vous allez nous dire ce que c'est qu'une métalepse, c'est-à-dire la façon dont Loti fait parler, fait sortir finalement du discours ses narrateurs pour avoir un point de vue qui est un point de vue qui sort du livre. Absolument, absolument. Alors, ce qui m'a intéressé dans Les Désenchantés, précisément, c'était l'aspect littéraire. La légende de la supercherie est tellement spectaculaire qu'au fond, on a retenu essentiellement l'anecdote des Désenchantés, un romancier célèbre qui est la dupe d'une femme journaliste qui écrit sous un nom d'homme, et Lottie qui marche, au fond, dans ce scénario. Et ce scénario spectaculaire, la véritable histoire des Désenchantés, que Alain Kella Villéger a très très bien décrite, il a consacré tout un ouvrage à ce sujet, cette pseudo-véritable histoire des Désenchantés a, au fond, fait passer au second plan l'intérêt littéraire de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement? Alors, l'intérêt littéraire de l'ouvrage, d'abord, je pense que j'ai essayé de rappeler que Lottie est un écrivain qui a énormément compté pour ses contemporains, notamment pour le jeune Marcel Proust. Mmh. Dans le fameux questionnaire en 1890, quand on demande à Proust quels sont les écrivains qui ont le plus compté pour lui, il dit Pierre Lottie et Anatole France. Henry James consacre deux articles magnifiques à Pierre Lottie, où il le considère comme un des plus grands peintres impressionnistes de son temps. Alors, un peintre impressionniste, parce que ce qui est passionnant dans ce récit, c'est justement comment il restitue des images, comment il restitue des couleurs, toute une gamme chromatique qui fait penser de la peinture de son temps, ou à quel type de peinture finalement? Oui, qui fait plutôt penser à la peinture à la fois symboliste et impressionniste. Le peintre Lévy Durmer a laissé un très célèbre portrait de Pierre Lottie qui est nimbé de couleurs pastel, de couleurs mauve, de couleurs bleues. Alors ces couleurs, ces tonalités, elles reviennent constamment dans Les Désenchantés, comme elles reviennent dans La Recherche du Temps Perdu. L'importance de cette couleur mauve, qu'une de mes collègues, Charlotte Ribérol, consacre tout un programme de recherche à la mauveine, qui est une couleur artificielle, qui apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle, envahit tout le roman. Et Lottie agit en grand artiste. Sa manière de décrire les fleurs, sa manière de décrire les ciels, est une manière proprement impressionniste d'écrire, ce qui n'a pas échappé à Henry James. Les fleurs, c'est aussi l'art nouveau, parce qu'il y a une attention au décor des cabinets, au décor des maisons, de manière générale. Il y a partout ces motifs floraux. Il y a aussi quelque chose comme un œil sur l'artisanat, sur les objets d'art. Oui, alors Pierre Lottie, officiellement, est un adversaire de l'Art Nouveau. La manière dont il décrit la chambre de la jeune femme, qui est une chambre Art Nouveau avec des meubles clairs à la mode de Paris, pour lui, c'est une critique. Et dans l'extrait qui vient d'être lu, on entend le mot Perrotte, qui mérite peut-être une explication. Alors, les jeunes perrottes, les ragots et les potins des jeunes perrottes, ce sont les ragots et les potins des jeunes femmes occidentalisées qui habitent du côté de Péra, c'est-à-dire dans le quartier cosmopolite et occidentalisé de Constantinople, que Lottie déteste, mais où il va cependant toujours logé. Alors, bien entendu, il attaque ce décor Art Nouveau dans une maison turque, puisque lui n'aime que les vieux décors authentiques. Ceci dit, c'est l'irruption de l'Occident, l'Occident ne devrait pas aller. Là où, pour lui, du pire de l'Occident, l'Occident ne devrait pas aller. Ceci dit, lui-même, dans son écriture, dans ses tonalités, peut être en partie considéré comme un écrivain de l'Art Nouveau. On va continuer à parler de tout cela avec vous, Sophie Bach, juste après la chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Frédéric Magé. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Frédéric Magé, directeur des Amis de Colette et de la maison de Colette à Saint-Sauveur en Puisée. Vous venez régulièrement ici nous proposer des figures d'écrivaines oubliées. Aujourd'hui, celle de Myriam Harry. Semaine Loti oblige. Vous allez nous faire voyager avec elle de Jérusalem à Paris en passant par Berlin. Et votre pérégrination, elle débute à l'hôtel Drouan à Paris. Oui, le 13 février dernier, dans la salle des ventes de l'hôtel Drouot, il n'y avait ni panier d'osier, ni vieux bijoux, ni vieux lits cassés en palissandre, comme dans la chanson de Barbara, mais réunis en un seul lot des milliers de feuillets de grand format, recouverts de poussière, barrés d'une écriture ample, aux traits énergiques, appuyés, des articles, des nouvelles, des romans. L'œuvre oubliée de Myriam Marie, au bout de quelques minutes, le marteau du commissaire-priseur retombe, et malheureusement, dans la salle, aucune institution publique, aucune bibliothèque n'exerce son droit de préemption. Et c'est finalement un acquéreur ou une acquéreuse, je ne sais pas, anonyme, qui va emporter les trésors fabulés d'un passé qui n'est plus. Et aujourd'hui, pour redécouvrir Myriam Marie, il nous reste une magnifique réédition de La Petite Fille de Jérusalem aux éditions Melassi, et puis une biographie de Cécile Chambard-Gobin qui vient d'être justement rééditée. Voilà, Drouot et pas Drouan, comme je l'ai dit un peu bêtement. Qu'est-ce qu'on sait de la vie et de la carrière de Myriam Marie? La vie de Myriam Marie a tout d'un roman. Il faut dire qu'elle a, comme Pierre Loti, le goût de la mise en scène. Elle mystification. Marie-Rosette Shapira naît à Jérusalem le 21 février 1869 d'une mère allemande qui est fille d'un pasteur luthérien et puis d'un père juif ukrainien qui est converti au catholicisme et qui est venu tenter l'aventure en Orient. Il tient d'ailleurs à Jérusalem une petite boutique d'antiquités et d'objets de piété pour les touristes. Très tôt, la jeune femme va marquer l'attention de ses parents par son imagination ardente et ses goûts exotiques qui inquiètent, il faut dire, un peu sa mère qui est très pieuse, mais qui en revanche la rapproche de son père. Alors ses poupées ont pour nom Baal, Astaroth et Moloch. À 12 ans, elle parle l'anglais, l'allemand, se débrouille en russe, en arabe. Elle lit Goethe, Shakespeare, Dante. Et son père l'initie très tôt au Talmud et au Coran. En fait, son éducation tout à fait non conformiste est à l'image un peu de ce Jérusalem cosmopolite de la fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ces romans aujourd'hui, Frédéric? Eh bien, ces romans, eh bien, on pourra leur reprocher aujourd'hui de parfois céder au travers de la littérature coloniale de son temps, mais ils s'en distinguent, à mon avis, notoirement par leur dimension tout à fait personnelle. En quelque sorte, Myriam Marie est une orientale orientaliste, notamment évidemment lorsqu'elle évoque le Moyen-Orient où elle a passé son enfance. Elle excelle à décrire les paysages, à retranscrire l'atmosphère des villes, et elle porte, c'est vrai, une attention tout à fait particulière au sort des femmes. Son œuvre est très ample, hein. Elle est morte en 1958, elle a écrit une quarantaine de romans qui ont été publiés dans très nombreuses langues. Aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a plus qu'un seul roman qui est disponible, donc c'est véritablement toute une œuvre qui est à redécouvrir, à côté de celle de Pierre Loti, qu'il avait surnommé ma sœur en bénouinerie, ou bien celle des frères Tarot, ou bien celle de Claude Farrère, eux aussi malheureusement oubliés. Espérons qu'un jour les archives vendues il y a quelques mois reparaîtront, peut-être dans un catalogue de vente ou chez un libraire, et permettront ainsi à des chercheurs de se pencher sur cette œuvre, de l'étudier, de faire redécouvrir cette œuvre tout à fait singulière de celle qui fut pour ses contemporains la Sulamite de Paris. Et puis, une fois n'est pas coutume, vous avez décidé de nous parler d'une actualité de la Maison de Colette. Il s'agit de la 8e édition du Festival International des Écrits de Femmes qui aura lieu ce week-end, les 12 et 13 octobre à Saint-Sauveur-en-Puisaye, et qui a cette année pour thème oriental. Racontez-nous un peu tout ça. Eh bien, depuis 2012, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, donc dans le village natal de Colette, nous essayons de faire entendre la voix des femmes oubliées du passé. Donc, chaque année, on accueille des écrivaines, des universitaires, ou bien des comédiennes ou des réalisatrices qui arrivent aussi pour faire redécouvrir tout un patrimoine passé, comme l'aurait dit Michel Perrault, dans les coulisses de l'histoire. Et cette 8e édition, qui se déroulera donc ce week-end, les 12 et 13 octobre, aura pour thème les orientales et nous conduira, eh bien, des voyageuses de la fin du 18e siècle jusqu'à Vénus Corrigata, que nous recevrons. C'est une des invitées d'honneur de cette édition. Et on fera évidemment aussi une large place aux créatrices contemporaines. On recevra Hélène Cixous, qui répondra aux questions de Catherine Clément, Shala Shafik, Mariam Majidi, Pinar Selek, Abnous Chalmé, Samar Yazbek et bien d'autres. Cette édition sera également l'occasion de rendre hommage à André Chédid avec la comédienne Catherine Salvia et le petit-fils d'André Chédid, Joseph Chédid. Candide, le frère de Mathieu. Également de rendre hommage, et j'y tenais beaucoup, à une immense photographe, Leïla Alaoui, qui est morte en 2016 dans un attentat, et dont nous exposerons, dans le cadre de la Maison de Colette, une série de 8 portraits de sa série Les Marocains, une œuvre tout à fait saisissante, qui est un peu l'équivalent des Américains de Robert Capa, qui incarne vraiment un regard très humaniste et contemporain sur l'Orient. Je rappelle que la manifestation est gratuite et que le programme est disponible sur les sites maisondecolette.fr et écritefemme.fr. Merci beaucoup Frédéric Magé. Je donne donc rendez-vous à nos auditeurs à la Maison de Colette ce week-end pour le 8e Festival International des Écrits de Femmes. À très bientôt. Écoutez toujours la Compagnie des œuvres sur France Culture, au dernier moment de cette série d'émissions dédiée à Pierre Loti, avec aujourd'hui Sophie Bache pour parler à présent d'un Pierre Loti à Venise pendant la Première Guerre mondiale. C'est par les lagunes cette fois et dans une mouche de la marine militaire italienne que j'aborde cette Venise merveilleuse, pour moi pleine de souvenirs. La journée est lourdement brûlante et ces lagunes, où nous glissons comme sur de l'huile, ont l'air d'être pâmés de chaleur. Quand Venise se dessine au loin, rougeâtre sur tout ce bleu, qui est aujourd'hui luisant et comme fané, Venise baignée et pour ainsi dire noyée dans l'eau tiède, elle me paraît moins belle que jadis. C'est que, devant les dômes et les campaniles, monte une quantité de tuyaux d'usines qui n'y étaient pas, ou dont je ne me souvenais plus. Et puis partout, aux abords, d'innombrables petites tours Eiffel surgissent des eaux mornes, réduction de celles qui affligent Paris, mais dans le même style, et elles sont reliées par d'affreux réseaux de fils de fer, sur quoi les mouettes méfiantes dédaignent même de se poser. Or, cela, c'est le modernisme, le progrès, la vitesse, l'affolement, la laideur. Bientôt, aucun pays du monde n'y échappera plus. Nous entrons en ville par des canaux bordés de maisons caduques, où habitent des pauvres. Mais enfin, voici tout de même le grand canal, avec les vieux palais vénitiens en façade tout le long de cette large artère d'eau trouble et dormante. Ils sont toujours beaux, ces palais, mais ils semblent s'être bien délabrés depuis tant d'années que je n'étais venu. Et un soleil trop cruel les détaille à cette heure. Moins de gondoles aussi, beaucoup plus de barques à vapeur et à fumée. Moins de ces pieux, grands comme des mâts très peinturlurés et très dorés qui servent à amarrer les barques devant les portes et qui faisaient partie essentielle du classique décor. Va, va, va, va. Va, va, va, va, va. Loti à Venise. C'est un thème que vous aviez abordé, Sophie Bache. La Venise de Loti au colloque Les Méditerranées de Pierre Loti, c'était à La Rochelle et Rochefort il y a quelques années déjà, en 1999. Vous aviez intitulé votre intervention dans Venise la Grise, Loti. C'est vrai qu'il a écrit plusieurs textes. Il a écrit plusieurs textes sur Venise, qui fait d'une certaine manière pendant à Constantinople, dans son imaginaire. C'est deux villes qui ont été beaucoup rapprochées, non seulement dans la littérature, mais également dans la peinture. Je pense à un peintre comme Ziem. Et à nouveau, je ferai ce rapprochement entre Proust et Loti. La manière dont il a l'art de capter à la fois la Venise éternelle, mais tous les éléments de la modernité dans Venise. Alors Proust a évidemment un art de transfiguration qui n'est pas celui de Loti, qui écrit toujours sur le mode de la déploration, mais cependant je ne peux pas m'empêcher, lorsque je lis les pages de Loti sur Venise, de songer aux descriptions par Proust des campaniles qui font eux-mêmes écho au clocher de Martinville. Et puis vous disiez que Bruno Versier considérait que le roman d'un enfant était le plus beau roman de Loti. C'est évidemment un roman qui a aussi marqué Marcel Proust. Et en lisant les pages sur Venise, on comprend également pourquoi Proust admirait tant Loti. Donc c'est un point de départ vers un Orient plus lointain, Venise. Venise, non, puisque Venise intervient après. Asiade, c'est très tôt, c'est 1879. Donc c'est plutôt au contraire Venise qui est pour lui une préfiguration de ce que va devenir Constantinople, puisqu'il y a une déploration de la destruction de Venise par la modernité, ce qui sera au fond le sort promis quelques années plus tard à Constantinople. Alors, destruction par la modernité, puis destruction aussi redoutée par la guerre. Je vous propose d'écouter un autre extrait de ce texte sur Venise. J'ai hâte d'errer seul dans Venise. Mais quel aspect imprévu elle me réservait aujourd'hui où je la revois en tenue de guerre. D'abord, ce palais des doges. Le voici submergé à la base, à moitié englouti, pourrait-on dire, par des piles de briques cimentées ensemble qui ont l'air d'être venues s'y coller comme de grosses vagues de boue rose. Les angles, surtout, de l'immense édifice sont les plus envahis par cette sorte de marée montante qui semble s'être pétrifiée là et qui affecte d'étranges formes arrondies. Et la basilique de Saint-Marc. Merveille des merveilles. Oh, elle est vraiment emballée. On dirait un gigantesque colis prêt à être porté au chemin de fer. Ce serait presque ridicule d'un fantastique à faire sourire si le danger qui a motivé cela n'était au contraire attristant à serrer le cœur. Chez nous, pour protéger quelque peu nos cathédrales contre l'outrage des barbares, on s'est contenté de les entourer avec des amas de sacs à terre. Ici, on a fait mieux. On a mis d'abord un premier embourrage de matelas qui enveloppe les murailles et puis viennent alentour de véritables remparts de briques. Et enfin, une caisse en bois. Colossal, bien entendu, pour enfermer le tout. Est-il donc possible qu'à notre époque, au XXe siècle, on soit obligé d'imaginer et d'inaugurer de telles précautions pour essayer de préserver les patients chefs-d'œuvre du passé contre l'imbécilité de ces modernes ferrailles, capables de les anéantir en une seconde ? L'extrait donc au sujet cette fois de la basilique Saint-Marc emballée pendant la guerre, lu ici par Pierre-Marie Baudouin. C'est presque du Christo avant la lettre d'emballer comme ça les cathédrales. Ah, mais je pense que ça c'est un des grands thèmes littéraires de la Première Guerre mondiale. On a des réflexions absolument analogues sur les antiquités du Louvre emballées, sur les cathédrales françaises, cette méditation de Loti qui est comme toujours c'est lui une méditation sur le passage du temps et sur la mort s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de la tragédie de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est la mort à Venise. Il y va une première fois à la fin du 19e siècle. Il y voit une ville qu'il trouve un peu délabrée. Et puis, quand il y retourne dans le contexte de la Première Guerre mondiale, c'est une autre mort qui s'abat sur la ville. Une mort de fer, justement. Une mort par la modernité. Mais finalement, il n'est jamais content, Pierre Loti. Parfois, il a l'impression que tout se délabre. Et quand c'est la modernité qui revient, finalement, il est toujours dans ce désenchantement. Donc, les désenchantements succèdent aux désenchantements chez Pierre Loti. Oui, il n'est jamais content. Ça, c'est le cœur même de son esthétique. Il ne peut pas être content. Et c'est ce que André Suarez a très bien vu. C'est ce que Henry James a bien vu également chez Loti, en soulignant, et ça, c'est le génie critique de James, que le génie de Loti tient au fait qu'il n'a jamais peur d'être ridicule. Il se met à nu. Il n'a jamais peur d'être ridicule. Et on s'est souvent moqué de lui. Mais c'est une bonne chose, ça, pour un écrivain, de ne jamais avoir peur d'être ridicule. Ça l'empêche, finalement, de se conformer à ce qu'on attend de lui. Mais je pense que James, par cette formule, entend que n'ayant jamais peur d'être ridicule, il n'est jamais ridicule. dans sa manière de se mettre à vif, de se mettre à nu. Pour revenir un moment à Venise, est-ce que le reste de l'Italie a intéressé Pierre Loti? Non, c'est un pays qui est étranger à sa constellation. Au fond, Pierre Loti est très peu un auteur méditerranéen ou de la Méditerranée orientale, ce qui peut paraître paradoxal lorsqu'on sait qu'il est l'écrivain de Constantinople, mais au fond, Constantinople est une ville qui touche d'un côté à la Méditerranée par la mer de Marmara, mais de l'autre côté à la mer Noire. Le climat n'y est pas le même. C'est un pays de brume, un pays plus gris. C'est pas Constantinople, c'est pas la lumière de la Méditerranée. Et Loti est tout sauf un auteur solaire. Oui. Et vous avez d'ailleurs travaillé ce sujet de Loti et la Méditerranée avec l'idée que finalement pour Loti, la Méditerranée, ce n'est pas vraiment le creuset culturel de son œuvre. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer finalement à travers cette idée ? Le creuset de l'œuvre de Loti, c'est Rochefort. C'est certain, c'est un homme de Rochefort. Donc c'est un homme de l'Atlantique profondément ? C'est un homme de l'Atlantique profondément. Qui n'a pas compris au fond la Méditerranée ? Je ne sais pas s'il l'a pas comprise, mais je pense que au fond, ça ne l'intéresse pas. Et donc, sa position est très paradoxale dans le cadre de l'orientalisme. Je pense qu'il occupe une position à part. Il lui tourne d'une certaine manière le dos, comme on peut dire que Constantinople tourne aussi le dos d'une certaine façon, l'Empire ottoman tourné vers l'Asie centrale, à la Méditerranée. Je pense qu'il y va, bien entendu, il écrit les Trois Dames de la Casbah, mais les couleurs de Loti ne sont pas les couleurs de la Méditerranée. C'est pour ça que j'ai été si reconnaissante à mon éditeur, à Jean-Yves Tadier, le directeur de la collection Folio Classique, d'avoir accepté pour la première fois dans un volume de Folio de publier des illustrations, de publier 8 planches de Manuel Orasi, grand illustrateur de l'art nouveau, qui change totalement l'imagerie aussi, établi autour de Pierre Loti. Oui, c'est vrai qu'on se demande en effet pourquoi, mais ce sont des très belles planches, mais vous avez voulu faire un écho au texte qui n'est pas du tout dans le texte. Enfin, c'est votre subjectivité qui s'exprime là quand vous mettez des planches de Manuel Orasi. Ces planches étaient présentes dans l'édition au début des années 1920. Donc il les a choisies lui-même. Alors ça ne sait pas. Je ne crois pas parce que si j'ai bon souvenir, le volume des Désenchantés paraît la mort de Loti ou juste avant, alors qu'il était déjà très diminué. Un mystère plane d'ailleurs sur ces illustrations, sur ces 8 planches. Parce que Manuel Orasi est un des très grands illustrateurs et affichistes de l'art nouveau. Il a laissé notamment une magnifique affiche de la danseuse Loye Fuller. On ne sait pas si Orasi a exécuté ses planches avant les années 20 ou pour cette édition. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est la couleur. Il a très très bien saisi la tonalité des Désenchantés, parce que j'avais toujours été un peu étonné, à vrai dire agacé, de voir dans les éditions de Loti et des textes de Loti sur Constantinople que l'on mettait en couverture des peintures du XVIIIe siècle, de Lyotard, dans un anachronisme complet. Et ces planches-là, elles sont réalisées par un grand affichiste de l'art nouveau pour l'édition de 1922, si j'ai bonne mémoire, de ce roman, et elles s'inscrivent absolument dans la tonalité du roman. Donc Loti, peintre de l'Atlantique, est-ce que c'est aussi un peintre de l'Extrême-Orient ? A-t-il bien saisi, pour vous, les couleurs de la Chine, les couleurs du Japon ? C'est un extraordinaire peintre de l'Extrême-Orient, et là je ne vais pas me substituer à la remarquable préface que Bruno Versier a rédigée pour son édition de Madame Chrysanthème chez GF, qui fait vraiment référence, où Bruno Versier dissipe, comme j'ai essayé de le faire pour les Désenchantés, tous les malentendus à propos de Madame Chrysanthème, roman mal aimé qui montrerait que Loti n'aime pas le Japon, méprise le Japon, ce qui n'est pas du tout le cas. Loti est extrêmement désarçonné par le Japon, et au lieu de jouer à l'immersion et à la compréhension, il marque en termes très secs sa distance que Bruno Vercier souligne remarquablement. Parce que Barthes, qui connaissait bien le Japon, s'était mis à distance justement de la manière dont Loti parlait de ce pays, alors que par ailleurs, et vous l'avez rappelé encore, Barthes aimait beaucoup Pierre Loti. Oui, je pense que Madame Chrysanthème, c'est le roman mal aimé de Loti, un roman qui a pâti aussi de son adaptation à l'opéra. Je pense que quand on parle de Madame Chrysanthème, on songe plus spontanément à l'opéra qui en a été tiré et aussi à Madame Butterfly, et que on a une idée très très fausse et mièvre de ce roman, qui est un roman dur, mais qui est également un roman dur par rapport à l'exotisme que Loti met à distance, et encore plus dans son reportage sur l'Indochine, sur les trois journées de guerre en Annam. Alors il y a un autre malentendu qui concerne Loti et l'Extrême-Orient, c'est celui qu'a relevé Simon Leys. Pour vous, Simon Leys n'a peut-être pas bien compris Pierre Loti. Vous avez écrit un article à ce sujet, Simon Leys face à Pierre Loti, théâtre d'un malentendu. Alors, où est le malentendu entre ces deux écrivains? Alors, malgré mon admiration immense pour Simon Leys, je pense que il n'a pas bien lu ce texte de Pierre Loti, et qu'il était animé de préjugés courants, communs, à l'endroit de Pierre Loti. Donc Pierre Loti, jeune officier de marine, assiste horrifié aux exactions faites par l'armée française en Indochine, et il décrit notamment un très étrange bouquet de fleurs, pour lui d'une étrange beauté, et on découvre que ce bouquet de fleurs est fait en fait de membres coupés. Mmh. Et Simon Leys est particulièrement indigné par cette manifestation décadente d'esthétisme au milieu de l'horreur. Or, moi, je rapproche ce passage d'une chanson de Billie Holiday, Strange Fruit, où elle décrit également des têtes décapitées et où elle utilise cette même image de fleurs coupées extrêmement, extrêmement incisives. Les fleurs du mal, hein, d'une certaine manière. Oui, et qui montre que, qui pour moi n'ont absolument rien de choquant. Le spectacle est horrible. Pierre Loti décrit son étrange beauté, et en aucun cas, à aucun moment, je pense qu'il ne s'agit là de complaisance esthétisante. C'est plutôt de la fascination, tout simplement. En effet, comme vous le dites très bien, pas de complaisance. Je ne pense pas. Je ne pense pas, et je pense que là, c'est encore une image faussée de Pierre Loti qui a dicter ces critiques très dures de Simon Leys à son endroit, de la même manière que Pierre Loti a été l'objet d'un poème extrêmement dur du grand poète turc Nazım Hikmet, qui en fait le parangon du colonialisme, et les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Alors je vous propose d'écouter un extrait des derniers jours de Pékin que Simon Leys a pris en grippe, et puis on en parlera juste après. Vendredi 12 octobre, 2h30 de route dans la morne plaine. D'abord, ce n'est que de la terre grise, comme à Takou. Ensuite, cela devient des roseaux, des herbages fripés par la gelée. Et il y a partout d'immenses taches rouges, comme des traînées de sang, dues à la floraison automnale d'une espèce de plante de marais. Sur l'horizon de ce désert, on voit s'agiter des myriades d'oiseaux migrateurs, semblables à des nuées qui s'élèvent, tourbillonnent et puis retombent. Le vent souffle du nord et il fait très froid. La plaine bientôt se peuple de tombeaux sans nombre, tous de même forme, sortes de cônes en terre battue surmontés chacun d'une boule en faïence, les uns petits comme des taupinières, les autres grands comme des tentes de campement. Ils sont groupés par famille et ils sont légions. C'est tout un pays mortuaire qui ne finit plus de passer sous nos yeux, avec toujours ces mêmes plaques rouges lui donnant un aspect ensanglanté. Aux stations, les gares détruites sont occupées militairement par des cosaques. On y rencontre des wagons calcinés, tordus par le feu, des locomotives criblées de balles. D'ailleurs, on ne s'y arrête plus, puisqu'il n'y reste rien. Les rares villages qui jalonnaient ce parcours ne sont plus que des ruines. Compagnie des Heures, avec cet extrait des derniers jours de Pékin, lu par François Chaumette. On reproche beaucoup à Loti de ne parler que de son monde intérieur. On en a encore parlé aujourd'hui avec vous, Sophie Bache, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment d'un extérieur dont il parle et d'un extérieur douloureux quand même. Extrêmement, extrêmement douloureux. Alors, ces derniers jours de Pékin, c'est un livre magnifique. C'est une description de la cité interdite absolument extraordinaire, puisque Loti va loger à Pékin dans la cité interdite, et bien entendu, ses thèmes habituels reviennent. La décrépitude, la mort, ses obsessions, mais qu'il décline avec des tonalités atmosphériques absolument extraordinaires. Alors qu'est-ce qu'il reproche finalement à la Chine et au Japon de Pierre Loti, Simon Leys? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure qu'il lui reprochait d'être colonialiste. Est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet? C'est très étrange, cette accusation de colonialisme portée à l'encontre de Pierre Loti. Et alors, sur l'échiquier politique, Pierre Loti a toujours été rangé plus à droite qu'à gauche. Mais je pense qu'un des anachronismes majeurs, c'est d'associer le colonialisme à des positions réactionnaires à l'époque où c'est plutôt la gauche qui est colonialisme, la célèbre expression à propos de Jules Ferry, de Ferry-Tonkin, et que c'est au contraire la droite à laquelle appartient Pierre Loti qui va freiner, qui freine en tout cas cet élan colonialiste. Alors je pense déjà qu'il y a une... Selon quels arguments du coup ? Il y a une erreur de perception qui associerait la gauche à l'anticolonialisme et la droite au colonialisme, alors que à la fin du 19e siècle, la question ne se pose pas en ces termes. Et puis je pense aussi que faute d'avoir lu Pierre Loti, on lui a fait porter tous les péchés. Au fond, c'est un auteur, mais par exemple, il n'y a pas eu d'agrégation mettant Pierre Loti au programme. Mmh. Je pense que c'est éloquent. Et chaque fois qu'on entend des étudiants ou des jeunes normaliens oser parler de Pierre Loti ou dire qu'ils veulent faire un travail sur Pierre Loti, ils sortent le texte de Barthes. Et là, il faut remercier Barthes qui a parlé magnifiquement du style de la modernité d'Asiadé dans le degré zéro de l'écriture, parce que c'est grâce à ce texte que Loti, d'une certaine manière, a pu être abordé par l'université. Et aujourd'hui, c'est pas un peu en train de changer? On a l'impression quand même d'une sorte de retour en grâce de Pierre Loti, ça vous semble juste? Oui, je pense que grâce notamment aux travaux d'Alain Quélavillégé, aux travaux de Bruno Versier, je rends aussi hommage à un collègue disparu, Alain Buisine, qui a écrit un ouvrage absolument extraordinaire sur le style de Loti et sur le thème de la mort et la manière dont la mort imprègne le style de Loti. Je pense que maintenant il y a un retour en grâce de Loti, mais qui est quand même très relatif. J'attends qu'il soit au programme de l'agrégation. J'ai pas dit que vous aviez publié un cahier de Lerne consacré à Orhan Pamuk, grand écrivain, prix Nobel de littérature turc. Est-ce que vous pensez qu'il a pu lire Pierre Loti? Je pense que Pamuk a peu lu Loti. Oui, c'est un cahier de Lerne que j'ai coordonné avec Niloufer Guelet en 2017. Pamuk est un très grand lecteur de Flaubert, c'est l'écrivain français qu'il admire le plus. Et il ne faut pas oublier que la deuxième langue de Pamuk est l'anglais. Donc il ne lit pas Loti en français. Et il y a une petite musique, il y a une musique de Loti comme il y a une musique de Marguerite Duras, on le reconnaît tout de suite. Il a été traduit en anglais très tôt, et je ne pense pas que ce soit un auteur qui ait beaucoup compté pour Pamuk. Merci beaucoup Sophie Bache, je renvoie nos auditeurs sur votre édition des Désenchantés, disponible dans la collection Folio Classique. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeannepin, Hélène Rivière et Alexandre Dangue. Demain, vous avez rendez-vous avec La Compagnie des poètes, présentée par Manu Farine. Quant à nous, on se retrouve lundi autour d'une nouvelle figure, celle d'un peintre du 16e, à qui une grande rétrospective est consacrée au Grand Palais à Paris. J'ai nommé Le Greco. Tout de suite, c'est des sciences dont il doit être question sur France Culture avec la méthode scientifique.